Oui, normalement, on enchaîne sur une autre chanson, mais j'ai voulu couper ça. Comment ça va, vous? Ça, c'est de la belle techno. Musique d'ambiance, musique intéressante. Et pendant que ça jouait, je suis allé chercher sur Internet 5 mots, histoire de commencer une belle improvisation. Une bonne émission commence par une bonne improvisation. Je suis pas certain que ça risque d'être à la mesure de ma démesure, mais on verra. Donc, les 5 mots que j'ai glanés sur Internet pour utiliser l'expression de mon amie Agnès Varda. Luxe. Si vous ne connaissez pas le truc, là, c'est que je prends comme ça au hasard où je demande aux cybernautes de me trouver 5 mots et à travers tout ça, j'essaie de dresser une nouvelle ou un récit souvent éclaté. Donc, les 5 mots que moi j'ai pris sur un site comme ça au hasard, c'est luxe, conseil, mode, indispensable et tampon. Le dernier quand même, hein? On répète. Luxe, conseil, mode, indispensable et tampon. Improvisation libre, éclatée, qui a pour titre aucun titre. Alors on y va, c'est mix et puis allons-y, on se lance. On n'arrête pas de donner des conseils. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive comme ça, tout le monde, puis surtout, t'en connais un dans ton lot d'amis, qui, lui, est toujours là pour te dire le petit conseil. Et tu lui parles, « Ah, non, je veux pas m'imposer, là. » Non, mais tu sais que moi, mes petits conseils, c'est un luxe. Tu peux les utiliser, c'est même devenu une mode. Ben oui, depuis que je lance comme ça à qui veut bien l'entendre, mes petites réflexions, ça devient presque pour certains des phrases indispensables pour leur semaine. On m'appelle souvent. Eh oui. Puis, j'ai déjà entendu des amis, des collègues m'ont dit, « Hey, toi, là, t'es un vrai tampon entre la réalité et la fiction. » Mais c'est quand même bon! Les cinq phrases ont été dites, là. Mais on lâchera pas le morceau. « Mais c'est quand même bon! » Avec quelle dextérité j'ai placé le mot « tampon. « C'est quand même bon! » Ça, c'est l'inconscient qui parle, hein? Aimez-vous ça, entendre ça, l'inconscient? Ouais, puis là, ce tampon-là, les mauvaises langues me disent « Ouais, mais il me semble qu'il est un peu trop imbibé. Si tu pourrais le retirer et te retirer également, ce serait peut-être bien pour nous. Ce ne sera pas un luxe. » Parce que moi, des conseils, là, je vois ça souvent dans le monde des péteux de brou, hein, des conseils à la mode. Et puis, ils se disent souvent, ils nous saoulent avec ça. Ah, vous allez voir, si je ne vous l'explique pas, si je ne vais pas plus loin dans ma réflexion, ça ne deviendra pas pour vous indispensable. Je l'ai fait une deuxième fois. Hein. Mais. Avez-vous entendu ça? En moins de 2 minutes. Allez, retour, allez, mais j'ai pas fait ça dans l'ordre. Et puis, Jean-Charles Grenier, qui a déjà appris, lui, avec sa belle-sœur, le langage des chats sauvages. Ils l'ont pas pratiqué souvent, parce que des chats sauvages, il n'y en a pas tant que ça. Hey, tu parles d'avoir... Il faut vraiment ne plus avoir rien d'autre à vouloir apprendre. Étudier le chat sauvage au Québec. Quand tu vois 2-3 matous qui essayent de fréquenter une chatte pomponnée, tu dis « Ah, mais mon Dieu, ça peut être révélateur pour ma vie sexuelle à venir. » Mais des chats sauvages. C'est une débilité extrême. Mais quand tu sais plus quoi faire, c'est comme à un moment donné, tu veux grader, tu veux m'auto-grader. Moi, te le dire, moi, ce que je veux faire, c'est que j'ai commencé avec la peinture à numéro. Moi, je suis comme un peintre, mais qui n'a pas été encore révélé. Et comme j'ai peur de ce qui va se produire, parce que je peux être quand même un Rembrandt sans le savoir, je peux être même un Picasso sans le savoir, ou encore mieux. Et encore mieux, attention. Et là, je prêche pour ma paroisse. Ou peut-être mieux, je pourrais être un Riopelle. Donc, je commence tranquillement avec la peinture à numéro. Si vous ne connaissez pas ça, là, vous avez 12, ben, ça, moi j'ai commencé à 12, là, vous avez 12 pots de peinture, de 1 à 12 bien sûr, et vous avez aussi une fresque cartonnée avec des chiffres. Donc le 1 de la peinture correspond au 1 que vous devez peindre sur cette fresque. Ça fait des beaux. Puis si vous avez les moyens, parce que ça peut être très beau, il y a du feutre. À l'endroit où il n'y a pas de peinture, ils ont mis du feutre. C'est tellement mignon. Vous pouvez afficher ça dans votre salon. Ben oui, avec vos beaux meubles des années 70 qui sentent l'urine de chat, parce que ton chat sauvage, lui, il n'est pas sauvage. Ton chat est devenu sauvage parce que tu ne mets pas de litière, tu ne sens pas ta litière. Qu'est-ce qu'il fait, lui, quand il y a la vessie qui se remplit, puis son poil qui est noir vire au jaune? Pas normal, ces affaires-là, là. Fait que là, tu le chicanes, tu lui dis, « Ah, mon petit, ce n'est pas bien ce que tu as fait. » Ben oui, mais il faut vider aussi. Si tu veux remplir, il faut vider. C'est quand même quelque chose d'assez élémentaire, Watson. Si tu vides pas, puis tu remplis, à un moment donné, ça va déborder. Ce pauvre chat-là, là, dans mes beaux meubles des années 70, ça sent l'urine, puis essaye d'enlever ça de l'urine de chat, c'est pas facile. Je suis obligé d'uriner par-dessus. Non, mais ça cache. Ça taille de matou, ça cache, là. Mais quand j'invite la matoune, la minoune, la pétoune, la dénoune, elle a l'odorat, elle. Elle a l'odorat. Elle se le cache pas, hein. Elle dit, j'ai une grosseur de nez qui me permet... de rouspéter sur ce que je sens. Puis pourtant, elle n'a pas un gros nez. Disons qu'elle a un beau petit nez carré qui finit finement. Puis là, je compare malheureusement à l'autre, là, Cyrano. Tu ne ressembles pas à Cyrano pour 5 cents. Tu n'as pas le nez de Cyrano, voyons donc, ma belle jolie. Mon trombone à coulisses. J'ai une trombone à coulisses parce qu'elle est toujours en train de se moucher. Puis, c'est pour ça que tu t'allonges le nez. Même si tu me dis que c'est impossible, un nez ne peut pas rallonger. Quand tu mens, et tu ne mens pas souvent, sauf pour me cacher le nom de tes amants, et quand c'est vraiment pas ça que tu veux dire, tu rougis. Donc, deux choses l'une, soit le nez rallonge ou la couleur de ta peau se modifie. Mais il y a toujours quelque chose chez toi. Ou encore mieux, mais pour toi, c'est encore pire. Moi qui est un bec-nez, mais non, j'ai jamais été un bec-nez en passant. Là, vous allez regarder dans le dictionnaire Larousse Robert, je vous conseille Robert. Bec-nez, qu'est-ce que c'est un bec-nez? Bec-nez! Un autre bébé de préhistorique? Non, c'est un bec-nez. Pas un beigne, un bègue, bégaiement. Un bec-nez, un homme qui bégaye, mais depuis la naissance, on ne peut pas bégayer depuis la naissance. Tu commences à bégayer lorsque tu apprends à parler. Les plus gentils disent « Oh non, il hésite. Il hésite. Ouais, il hésite pas, crache-le. La voiture veut pas partir. » Certains vont dire « Il se moque des bègues. » Ben, j'en suis un. Je l'ai déjà dit dans une demi-heure. Je l'ai déjà mentionné. Si on peut pas rire de nous, de qui on peut rire? Suzanne Lemieux, tout le monde a ri d'elle. Ridelle. Tout le monde a ri d'elle. Puis reste qui après? Bon, Claude Morneau. Ben oui, mais Claude Morneau, hein? Quand il s'est allongé pour faire une blague dans le cercueil, parce qu'il s'est dit « Moi! » Il disait pas « Moi, lui. » Non, c'est un gars de la rue. C'est un bon bonhomme. Il disait « Moi! » Déjà là, tu l'écoutais, parce qu'il avait l'air tellement convaincant dans son « moi » que tu ne pouvais pas laisser ça aller. Tu ne pouvais pas laisser le « moi » partir comme ça. Alors, il dit « moi, avant de mourir, je ne causerai pas de problème à personne, je choisis mes affaires. » Fait qu'il s'en va dans un centre où on peut... un magasin de mort, là. Puis, non, mais c'est... Je tiens à vous dire, je ne veux pas critiquer... Mais l'ambiance est un peu froide. Ah oui. Puis c'est bien beau, là, les murs noirs, là. Mais il faudrait mettre un peu d'ambiance, là. On n'est pas mort. On va s'acheter nos derniers préparatifs avant de partir pour le grand chemin, le long chemin. Il est long le chemin, il est long et ça, c'est indéterminé. Puis indéterminable, c'est pas le Compostel, ça là. Le Compostel, c'est quoi? C'est que, bon, tu veux recréer ce qui s'était passé à l'époque, puis bon, pour te purifier, hein, encore des choses merveilleuses. Et puis, donc, moi, je me suis... Non, il s'est dit, pas moi, mais lui, il s'est dit, je veux choisir mes dernières affaires quand même. Les dernières volontés, c'est quand même important. Puis surtout, c'est pour l'éternité. Faut pas prendre ça à la légère. Donc, il s'en va là-bas. Puis normalement, c'est quoi? C'est des photos. Un grand cahier avec des photos sur les pour choisir sa tombe. Mais lui, pas ça du tout, lui, là. Lui a osé demander à la demoiselle, la vendeuse, est-ce que je peux les essayer? Mais elle était pas étonnée. Elle n'était pas étonnée parce que, bon, on lui avait déjà demandé. Puis, ils ont un salon pour ça. Ils ont 28 tombeaux que vous pouvez vérifier, dépendant de votre longueur. Ouais, ça dépend de la longueur. Mais ils prennent bien sûr des plus longs, puis ils vont vous mesurer pour, après ça, la couper, couper la tombe pour que ça vous tombe dessus, là. Tu sais, que ça, c'est quoi de le dire, que vous vous sentiez à l'aise, pas trop. Exactement, pas trop grand. Quand tu commences à te chercher dans ton tombeau, là, non. Puis là, tu choisis ton drap, hein, tes choses, là, pour quand on referme le sarcophage, que tu te sentes à l'aise. Puis là, la dame demande au client, « Voulez-vous les essayer? On est déjà devant. » Puis il dit, « Ben, pourquoi pas? » Pourquoi? Puis là, il avait l'air heureux. « Pourquoi pas? Ben oui, je vais essayer ça. » Alors là, il essaye le premier. Il dit, ouais, il me semble que c'est dur, puis je sens des clous dans le dos. Il dit, oh, on va en essayer un autre. Fait que là, on essaye un autre. Puis à un moment donné, il trouve son tombeau, sa tombe. Il dit, oh, je suis confortable, là, je m'endormirai jusqu'à le Vitam Popperman. Oh, on fait pas des tombes aussi merveilleuses que ça. Oh, je me sens bien. On peut-tu l'amener à chez moi? Je pourrais dormir parce que mon lit est pas très confortable. J'ai eu l'insignifiance d'acheter un lit d'eau. On dort pas tout le temps sur un lit d'eau, là. Ne jamais faire ça parce que ça te fait mal au dos. Puis là, ça fait déjà 2 ans. Puis j'aimerais dormir dans mon tombeau, pratiquer un peu, là, me sentir à l'aise. Elle dit, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça, monsieur. On peut pas faire ça. Comment ça? M'a payé. Je suis capable de payer. Ouais, mais payer. Faudrait que je demande à mon employeur. Mais demande à toi. Appelez votre employeur. Là, il commençait à tutoyer, hein. Oh, là-dedans, ça sentait, mais c'est une jeune fille, là. Elle a commencé dans ce milieu-là. Elle a dit, oh mon Dieu, j'ai pris le plus rock and roll. J'ai pris le plus rock. Puis elle aime juste le punk. Fait qu'elle aime rock and roll. Elle appelle l'employeur. Elle dit, employeur, je suis devant un client. Devant, là, il est un peu blême. Je pense même qu'il va partir. On blague pas, c'est vrai, excusez, c'est pas l'école juste pour mourir. Est-ce que c'est l'école juste pour mourir, monsieur? On apprend-tu? Oui, OK, il y a un petit... Ah, c'est bien! Parce que après avoir acheté votre tombeau, tout ça, là, je reviens après ça, il y a un petit cours comment mourir, qui dure à peu près, soit c'est 8-10 heures. Tu sais, mourir dans la grâce et dans le bien-être, tout ça. Mais là, c'est pas ça la question, là. Mais ça, c'est si t'achètes tout le forfait, là. C'est gratos. Tu payes rien. On t'aime. On a arraché tout ton argent. Fait qu'on va te donner un petit cours de 10 heures comment mourir, là. Fait que là, il a dit, écoute, je me sens mal à l'aise, patron. Patron, parce que c'est une femme patronne. Là, il a essayé un tombeau, une tombe. Puis il veut s'en aller avec. Il veut l'acheter, le plan. Il veut payer tout ça, là, content. Puis j'ai vu l'argent. Il possède le moton. Il possède le moton. Moton qu'il y en a au moins 600 billets de 100$. Et puis on peut augmenter la dose. Puis on peut sortir avec beaucoup d'argent avec ce monsieur. Et puis lui, ce qu'il veut, c'est le confort. Le confort, là, mon ami, là, tu t'attales là-dessus. T'es prêt jusqu'à la fin de tes jours. Fait que je peux... C'est ce que ça te fait? Ouais, il faudrait que j'y demande. D'accord. D'accord. Reste... Oui. Oui, je vais demander. Restez là. Décrochez pas. Raccrochez pas. Endormez-vous pas. Partez pas avant, là. Avez-vous acheté votre temps, vous, madame? Ben beau que vous travailliez là-dedans, là, mais... OK. Je vais... Restez des nôtres. Je vous le jure. Exactement. On va revenir avec la réponse. Après ça. Ouais, j'ai demandé. Mais, exactement. Pour la tombe, là, ouais. Non, il est pas catholique. Ouais. Oui. La est pas bête. Exactement. C'est pas de est pas bien. Il peut la ramener. Parfait. Merci, madame. C'est pas pire ce qu'on a entendu, hein? C'était physical. Physical, agricole. Nicole, Nicole, c'est la chanson. Le nom, là, profitez-en parce que c'est introuvable. C'est The Glimmers Are Gigi Fazy. Fazy, pas mal, hein? C'est un petit disque là, de rien. Et qu'un ami, à l'époque, je travaillais toujours, ben, comme aujourd'hui, à CKRL, et Le Phare, avec nos deux animateurs de l'époque. Et vas-tu nommer les noms? Ben oui, il y a Madame Garnier. Oui, exactement. Et l'autre, là, son collègue. Et c'est lui qui a été voir le spectacle de Glimmers Are Gigi Fazy. Il a pensé à moi, il m'a acheté le disque. C'est pas sympathique, ça? Bon. Et puis, les noms, je peux pas vous. Je m'en rappelle presque plus. Mais je vois très bien leur visage. La belle dame, là, avec les cheveux blonds, puis oui. Et l'autre aussi, là, châtain, mince. Et donc, non, il est pas quoi. Oui, exactement. Il a pas été dans. Non, il est juste au Christian. Non, il fait pas partie de ça, lui. Ouais, fait qu'il peut s'en aller avec, mais c'est quand même formidable, ça. C'est positif. Au moins, dans la mort, il y a quelque chose de positif. Il peut tomber. Il peut tomber. Mais mieux, c'est pas de tomber, là, mais il peut repartir avec son tombeau. Hey, là, il était content. Il a déplié. Il dit le cours là, sur la mort, la préparation à la mort, là, pas de problème. J'irai prendre ça plus tard. Là. Mais je veux essayer parce que ça fait longtemps que j'ai pas bien dormi. Il dit un lit. Je me suis trompé. Moi, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit t'es tellement confortable. C'est vrai que t'es confortable là-dedans. Mais tu peux pas dormir tout le temps au quotidien sur un lit d'eau. Qu'on se le dise, qu'on règle ça, même si vous êtes des vendeurs de lit d'eau, là. Faut au moins en avoir deux. Pas deux lits d'eau, mais un lit d'eau puis un lit traditionnel. Parce que ça, c'est dur. Mais le son, c'est merveilleux, là. On dirait que tu dors sur la mer. Mais sans l'autre, là, comment il s'appelle, Michel Rivard. Je voudrais moi-même. Oh, non, sans lui, là. On dort mieux. Et puis, on fait rassemblant que c'est intéressant. Comment être un bon gars? Comment être un bon gars? On continue à écouter CKRL. CKRL. La radio de. Oui, exactement. Exactement, madame. Vous avez entièrement raison. Et vous voulez que je vous parle de mon invité parce qu'il a beaucoup de choses à dire et ce serait intéressant de lui laisser la place. Vous avez aussi tout à fait raison. Mais pas avant ça. 2018, je suis allé voir sur Internet, vous pouvez vous le procurer l'album. Je suis gentil pour vous, hein? J'ai fait des recherches. Je suis comme ça, moi. Si vous voulez en savoir davantage, envoyez-moi un courriel et je vais vous envoyer le lien. C'est vraiment pas cher. Vous pouvez vous en sortir pour 5-6$. Il y a 4 chansons. La quatrième, vous allez peut-être l'entendre. Mais je ne crois pas. Je viens de vous dire ça, mais je ne crois pas. Aujourd'hui, c'est parce que vous êtes pas assez sage. Être sage. Et oui, la semaine dernière, vous n'avez pas été sage. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été sage. Puis il y en a d'entre eux, il y a certaines personnes d'entre vous, vous n'êtes même pas membre de CKRL, puis vous m'écoutez. C'est pas légal, ça, là. La GRC va venir frapper à votre porte, là. Barrez votre porte. Vous laissez votre radio ouverte. Syntonisez toujours notre station. Aujourd'hui, le lundi 21 mai 2018, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour d'un génie de la musique. Celui, là, avancez-vous, je peux pas dire ça de même à voix haute. Avancez-vous devant votre radio. Là. Je vais vous dire quelque chose. Ce gars-là, là, il connaît la recette du succès. À chaque fois qu'il fait une chanson, c'est numéro un. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est numéro un. À chaque fois qu'il fait un vidéoclip, c'est numéro un. C'est monsieur grand succès. Monsieur qui connaît tellement l'approche des mots et de la musique que chaque phrase, il sait que ça va toucher le peuple, les gens. parce qu'il a le flair, tu sais. Il y en a qui l'ont pas le pif, là, comme madame à côté, là. Mais lui, là, oh, c'est du sérieux. J'ai eu la chance en 2017 de rencontrer un homme aussi extraordinaire. J'ai pris des notes, là, pour faire la chanson qui va me donner tout l'argent nécessaire pour partir partout dans la francophonie puis vous ramener des belles. Je lis ma chanson, là. Je vous la chanterai pas parce que c'est pas encore enregistré. Mais ça s'en vient. Et c'est grâce à Patrice Corian. Patrice Corian, l'homme derrière des grands titres que tout le monde fredonne dans la rue sans le savoir. Vous êtes là le matin en attendant l'autobus. Quand vous sifflez, pas compliqué, vous sifflez une chanson de Patrice Corian. Quand vous n'arrivez pas à dormir, vous regardez les yeux au plafond. Puis non, c'est pas vrai. Tu commences à siffloter. Tu sifflotes une chanson de Patrice Corian. Personne ne sait que tout ce qui nous passe dans la tête de musicalité, de sonorité et de parole, c'est de Patrice Corian. Personne ne le sait. Faut-tu être assez humble pour venir à mon émission Errance Rénaldienne, hein, rencontrer un animateur québécois, déjà là, c'est un perdu dans la brume. Il se déplace, ce gars-là, là. Puis pour même pas me montrer là, qu'il avait autant d'argent, je suis sûr qu'il a placé son chauffeur et sa limousine à quelques rues pour monter à pied la rue des Abbesses pour avoir l'air d'un être normal. Ça mérite un grand respect. Un grand respect. Errance Rénaldienne a eu la chance de rencontrer Patrice Corian, excusez-moi, je suis tellement ému. Ce grand Patrice Corian et ses vidéoclips, allez voir sur Internet, je vous placerai ça là, sur mon site. Si vous êtes membre de Facebook avec moi, si vous êtes avec moi sur Facebook, vous allez en voir du Patrice Corian, vous allez vous dire hey, pourquoi? Pourquoi Michael Jackson n'a jamais fait appel? Bruce Springsteen? Pourquoi aussi Motorhead? Pourquoi tout la colonie artistique mondiale ne s'est pas raccrochée et accrochée sur mon ami Patrice Corian? Il l'a, lui. Il sait comment ça fonctionne, le milieu artistique. Vous ne croyez pas, hein? La preuve. L'histoire commence vraiment très mal. Y'a de la panique dans mon journal. Plus on avance, plus on recule. Pour tomber dans le ridicule. Certains se disent intelligents en gaspillant un tas d'argent. Alors que c'est toujours les mêmes qui paient l'addition des problèmes. C'est la mode, c'est la mer. Dans les braguettes, nos cœurs se cherchent sur internet. La mort spécule sur notre sexe. On se protège dans du latex. On ne sait plus du tout parler sans qu'une injure soit prononcée. Et si on le fait remarquer, y en a qui se sentent agressés. C'est la mort, c'est la mer. J'espère qu'un jour nous trouverons un vaccin pour les têtes de con. Avec nos airs de supérieur, on fait toujours les mêmes erreurs. On est géant pour faire le mal, mais tout petit pour la morale. C'est la mort, c'est la mer. We'll be right back. avances, plus tu recules pour tomber dans le ridicule. Tu te crois fort, intelligent, en gaspillant un tas d'argent, alors que c'est toujours les mêmes qui paient l'addition des problèmes. Voilà, moi j'ai pris un petit déjeuner. Ah oui, okay. Ouais, ouais, j'ai pris un petit café, tranquille. T'es arrivé à quelle heure, 10? Ouais, vers 10 par là. Ouais. Tu viens de déjeuner en même pas 5 minutes? Ouais, okay. Tu sais, moi j'ai envie. Ouais, ouais, ouais. Tu manges pas, tu gardes. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Moi, à Paris, c'est le croissant, c'est le café. Ouais, ouais, ouais, mais il y a aussi la. Le fait de manger tout fait tranquillement pour quel système, ouais, quel mais cerveau. Oui, mais tu sais, c'est typiquement parisien. Oui, oui, oui. Non, je crois que c'est les grandes villes, New York, Montréal, Paris, Londres. C'est la folie furieuse. Ça, oui, oui. Ça, ici à Paris, comme dans les grandes villes, on court partout. Oui, ouais. Et ça te plaît? De courir partout comme ça, ça dépend où c'est que je vais courir. Mais bon, si c'est. La vie parisienne me plaît. Ok. J'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup d'autres villes aussi, en même temps, parce que je voyage beaucoup, mais il y a il y a quelque chose en Paris, il y a une odeur de bien typique parisienne, si tu veux, qui reste encore dans ces petits quartiers là, c'est très intéressant. Dépendant les arrondissements, dépendant les endroits. Il y a des endroits bon, que j'aime moins, que je suis moins attiré, mais bon, chaque arrondissement a sa poésie, on va dire. Oui, effectivement. Et tu voyages beaucoup pour affaires Pour affaires ou alors pour famille. Moi, j'ai la famille en Martinique, en Guadeloupe, en Amazon. Tu as su les placer à des endroits exceptionnels. Voilà, aussi bien. Bon, je n'ai pas été encore dans ton joli pays, là, pas encore. Au Québec. Non, mon frère y a été. Il a passé quelques années à l'université Laval. Ah, ben voilà, c'est notre université à Québec. Voilà, donc mon frère Arnaud a été universitaire à Québec. Il a eu ses diplômes de psychologie justement à l'université Laval. À quelle année? Oh là là, il y a à peu près une dizaine d'années. Hein. Ok, alors il a fait, je crois, des études de freudienne. Ouais. Freud, parce qu'ils ont arrêté d'enseigner Freud il y a à peu près 8 ans. Il est peut-être le dernier à avoir eu des enseignements. Oui, oui, oui. Et il a fait partie d'une équipe, je crois, de hockey ou un truc comme ça. Ah oui, oui, ok. Ah, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et là, il habite Paris ou il habite. Il habite à Rouen, lui. Ok, ah ben oui. Ouais, ouais, mais je te mettrai en contact si tu veux avec lui parce que. Je sais jamais, c'est ça, vous avez encore. Tu parler du Québec, c'est. Oui, oui, puis en même temps, bon. Avec le recul, mais je te le donnerai, je tiendrai son contact et puis lui, ça sera avec un grand plaisir. Et c'est souvent qu'il a monté une association. À Paris, alors moi j'y vais pas parce que ce sont les personnes qui sont revenues du Québec, tout ça, qui ont fait des formations, des Français qui ont fait des formations justement à l'université Laval. Ah, juste Laval, juste à l'université. Oui, il a fait Laval, après je sais pas trop non, son parcours. Dire, le regroupement c'est uniquement pour les gens qui ont été à l'université. Oui, oui, oui. Et il fait ça à Place du Châtelet, je crois, une fois par mois. Ou c'est lui qui organise tout ça. C'est lui qui, voilà. Ah, c'est pas mal. Voilà, et puis bon, il se retrouve pour remémorer un peu ses histoires. Ça part, ça boit des bières. Ça boit, ça pleure. Bah, ça pleure. Bon ça. Oui, oh là là. Voilà un petit peu le parcours de mon frère. Ah, bah c'est pas mal. Et toi, tu fais de la musique, tu es dans le milieu artistique? Moi, je suis dans le milieu artistique, quoi. Depuis combien d'années? Oh là là, ça fait une. Plus de 15 ans, ouais, plus de 15, okay. 20 ans, ouais, pas loin, on va dire 17 ans, allez, ben, en gros. Enfin, tu étais celui qui voulait être vu, être en avant de la scène. Oui et non, c'est-à-dire, il y a déjà le plaisir de faire de la musique, de faire de la création, c'est-à-dire, de, comme un couturier, j'estime que tu vas faire de la musique, et on ne fait pas de la musique comme ça, bon, il y a le musique, la personne qui fait de la musique par plaisir, mais il y a aussi la personne qui fait de la musique, si tu veux, par pas par nécessité non plus, mais comme un peintre ou un couturier. Tu cherches quelque chose, tu cherches un sentiment, une émotion, voilà, c'est à travers une émotion que j'habille, au fur et à mesure, avec d'autres personnes talentueuses aussi naturellement, avec une équipe, si tu veux, je brode un petit peu les choses, voilà, et puis après on finit dans la cuisine un petit peu. Alors je considère la musique un petit peu comme de la dentelle, on va dire comme ça, et après aussi comme une recette de cuisine. Mais la recette de cuisine, c'est plutôt pour le mixage, tu vois. Ah, oui, avec les petits oignons, on enlève, on remet, on sait des plus. Du sel, du poivre, des assaisonnements. Voilà, exactement. Il y a trop de sel, il n'y a pas assez de sel et machin. Mais là, quand il y en a trop, tu peux plus en enlever. Voilà. Mais sauf qu'en musique, tu peux encore. Voilà, exactement. Après, c'est trop réchaud. Mais quand c'est en disque, c'est fini. Voilà. Alors là, s'il y a trop de poivre, ben. T'es... Exactement. Et du réchauffé, c'est pas bon. Alors faut savoir jauger ou alors enlever un petit peu la sauce. Voilà, enfin, c'est tout un boulot. Ah, mais c'est intéressant aussi. Ah oui, c'est très intéressant. Surtout dans le monde de création. C'est une troupe, c'est une équipe, mais surtout, ça commence solitaire devant la feuille, devant la partition et composé. Donc, Exactement. Et la phase qui est la plus jouissive pour moi, si tu veux, c'est pas de le mettre en ligne ou alors de faire découvrir aux gens, etc. Et puis après, avec le succès que ça connaît, etc. Mais c'est beaucoup plus. C'est très jouissif au moment de la création et au moment du mixage. C'est là qu'on sait qu'on va bientôt terminer. Malheureusement, parce qu'on aimerait bien que ça continue très longtemps. Et là, on sent qu'il y a une pression terrible et on n'a pas envie de se planter. Alors donc, on est en train de vraiment dans la création. Donc, on rentre dans l'œuvre entièrement et on vit avec l'œuvre pendant les dernières œuvres. C'était pendant 2 mois. J'ai vécu avec les œuvres complètement. Les œuvres, c'est les chansons ou les disques ? Ouais. C'est les chansons. On appelle ça les œuvres. Ouais. Ah ouais. Ça, si tu veux, c'est un terme qu'on va dire. On va dire, il y a le terme œuvre, c'est-à-dire style très médiatique, très reconnu, etc. Bonjour. Comme un tableau, tu vois. Double allongé, s'il te plaît. Non. Double expresso. Ouais, c'est bon. Ok, merci. Oui. Donc voilà, c'est. Ou alors c'est comme un tableau aussi en même temps. C'est. Ou alors tu peux avoir des tableaux inachevés. Tu peux reprendre un mixage que tu as commencé il y a. Que tu as finalisé il y a à peu près 1 ou 2 ans. Il y a peut-être des trucs que je vais reprendre. Mais t'as-tu fait des écoles, t'as-tu voulu travailler un peu l'univers musical avec le solfège ou tu t'es lancé Avec le solfège, un peu autodidacte, après je me suis lancé dans du solfège et puis après c'était beaucoup un milieu de rencontre parce que le showbiz c'est quand même un milieu de rencontre. Ouais. C'est beaucoup de soirées, beaucoup de gens intéressants à voir. Des gens comme toi, par exemple, tu vois, des rencontres inattendues comme ça. C'est... Ouais. Ce que j'aime c'est le côté inattendu. Bon, le fait que tu sois sur Paris, etc., ça m'a. J'ai dit, tiens, mais pourquoi pas parce que c'est pas très courant, on va dire comme ça. Pas très courant, mais en même temps, voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vient de loin, etc., spécialement, entre guillemets, pour soi, on va dire, par rapport à aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire, se dire, mais merde, on n'est pas tout seul au monde. Et puis, je trouve que la planète, finalement, elle rétrécit, elle est plus petite, voilà. Et toi, enfin, tu joues d'un instrument de musique ou tu n'as jamais voulu toucher à ça Si, alors, je joue, on va dire, de manière très simple, on va dire du clavier, voilà. Okay. Très peu de guitare, voilà. Mais très simple en voulant dire tu touches un peu, mais t'es pas un virtuose. Non, j'ai pas, voilà. C'est-à-dire que ça me suffit amplement, ainsi que le clavier, à pouvoir faire des accords et pouvoir trouver des mélodies et puis pouvoir faire des partitions un petit peu quand même, de manière binaire. Après, je peux faire quelque chose. Le truc qui se passe, c'est qu'après tout se passe après. Bon, mis à part l'ordinateur qui est là en soutien, on va dire, pour pouvoir un petit peu habiller les choses. Après, c'est plutôt l'ordre des couturiers qui sont derrière, qui vont habiller, on va dire, la chanson, que moi j'aurais décidé avec eux aussi pour savoir si elle est viable ou pas, si on peut lui donner naissance ou pas, parce que des fois on peut se planter, des fois il y a des idées, et voilà. Et tout se passe, les chansons, tout se passe pour moi personnellement, mais je pense la plupart des créateurs, dans des endroits, à droite, à gauche, ou dans un café, sur un bord d'une table, ou là, j'ai écrit très souvent sur des serviettes de table, moi, tu vois, des idées, il m'est venu tout à l'heure une idée complètement dingue, je me dis, bon, je vais faire un titre avec ça, voilà, en promenant dans la rue, je vois un truc, une conversation, j'écoute beaucoup les comptoirs aussi, énormément les comptoirs. Tu sais, les comptoirs, c'est le truc populaire, c'est le comptoir social, t'écoutes tout. T'as la vie des gens, t'as le malheur, le bonheur, t'as un peu de tout. Les anecdotes aussi. Et t'as de tout. Et finalement, c'est la vie. Ouais. Voilà. Et là, t'es dans le vrai. T'es pas dans l'imaginaire. Et finalement, tu mélanges un petit peu tout ça. Et puis après, tu te fais ta sauce, voilà. Tout simplement. Et en faisant des titres, en fait, ce qu'on souhaite, c'est d'être joué, d'être diffusé, d'être... C'est pas compliqué aujourd'hui? Oui et non, ça dépend. Ça dépend de la nature de ton... enfin, de l'état de ton mental, de ta nature d'esprit. On va dire comme ça. Allongé, c'est merci, ça? C'est en plein, ça. Merci. Magnifique. Merci. Oui, alors, c'est difficile sans être difficile. C'est-à-dire, c'est une façon de l'esprit. Moi, je suis quelqu'un de très positif. Donc, moi, le côté difficile, la difficulté ne me fait pas peur. Au contraire, ça me renforce beaucoup plus. Ça te motive à aller plus loin. Ça me motive à aller plus loin. Ça serait, si c'est trop facile, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Non, tu vois, c'est, non, si c'est trop facile. On s'endort un peu. Voilà, on s'endort un peu. Tiens, il a gagné, il a fait ci, il a fait ça. Puis finalement, c'est pas très satisfaisant, tu vois. Il faut qu'il y ait un petit peu de difficulté. Il faut que ça soit un petit peu pimenté. Alors moi, ce que je dirais maintenant, en tant que créateur, même pour les jeunes créateurs maintenant, c'est vrai que c'est un milieu assez difficile, mais il faut savoir se démarquer, il faut savoir être soi, être original. Le plus possible, savoir se démarquer, savoir être soi et ne pas copier, voilà. Naturellement, on a toujours des références au départ. Ouais. Mais à la fin, je pense qu'il faut... il faut être soi et puis savoir dire simplement les choses aux gens, mais de manière très simple et ne pas tricher. On triche pas avec le public, on triche pas avec les gens. Ça marche pas, d'ailleurs, on passe à autre chose et on recommence et puis voilà, et puis un jour, finalement... Il n'y a pas de formule magique. Hein. Un coup, ça peut marcher aujourd'hui, demain, ça ne marchera pas. Le même titre peut marcher aujourd'hui et puis demain, ne marchera pas. J'ai connu très souvent ce genre de truc. C'est bien dans des boîtes de nuit où c'est qu'il y avait des chansons qui étaient qui bastonnaient à mort avec un BPM qui était à plus de 120 et qui étaient très bien, qui n'ont pas marché. Voilà, ce soir-là. Et puis un autre jeu. Et ce soir-là, c'était plutôt des balades du romantisme qui marchait, les gens ils en voulaient, ils en voilà. Donc finalement c'est le public qui décide, hein. Il y a des, c'est un moment d'émotion. Moi quand j'écoute à la radio un truc, c'est pas forcément un hit, c'est plutôt ce qu'il y a derrière, l'émotion que je vais capter moi. C'est toujours ça, c'est l'émotion d'une musique, le reste... Ouais, aimerais-tu entendre tes chansons sur France Inter ou sur des grandes chaînes? Alors, pour tout te dire, j'ai un parcours, mais alors... atypique. Ah oui, atypique quand même. Alors, j'ai déjà fait RFI, j'ai déjà fait France Inter, voilà. Ah, t'as déjà joué sur France oui, Inter? Oui, oui, oui. RFI aussi pendant 3 heures, voilà. Trois heures? Oui, pendant 3 heures, voilà. C'était pendant 3 heures, c'est-à-dire j'ai eu une interview de 3 heures. Voilà. Ok. Voilà. Okay, je pensais que tu avais. Non, non, non, pas 3 heures, mais d'où j'ai fait des visibles sur Internet, hein, voilà, sur RFI. Et puis, qui était un moment très magique aussi, parce que bon, j'ai joué sans filet avec un musicien, donc j'étais en live, voilà, carrément. Okay. Et ça m'est. Oh, il y a à peu près. Il y a peut-être 3 ans de ça, voilà. Okay. Bon, et ça a été un grand moment parce que c'est quand même un moment très, très important quand on t'annonce déjà quand tu as à peu près RFI, c'est 50 millions d'auditeurs dans, ouais, à travers le monde. Ça met quand même une pression, voilà. Donc j'étais avec le producteur à l'époque, voilà, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça, puis finalement j'ai dit tout le contraire de ce que fallait. Ah oui, ok, voilà. Le stress t'a fait faire autre chose. Oui, mais en même temps, je me suis dit, bah, autant que je dise dire les choses ouvertement, voilà. Puis mais qu'est-ce que tu devais pas dire sur... Ah bah, il fallait que je sois courtois, hein, il fallait que je sois poli, je voulais pas dire tu, je voulais dire vous, présentateur. Je devais pas dire merde, pas de trucs. Et finalement, bah, j'ai dit qu'à un certain moment, j'ai commencé à dire, on m'a posé la question, qu'est-ce que la vie pour vous? J'ai dit, bah, la vie, par moment, ça peut être une tartine de merde. Voilà, donc, mais ça a amusé énormément les auditeurs et en même temps le public et puis les professionnels qui étaient là. Parce que j'ai dit, bah, de toute façon, je vais comparer la vie à une tranche de pain, voilà, bien fraîche. Alors, tant j'entends, bah, sur un côté, il y a la merde hein, qu'on peut étaler, puis sur l'autre côté, bah, il y a le pain, voilà, c'est tout. Voilà. Ou on mange d'un côté, ou on mange de l'autre, voilà, c'est tout. Mais j'ai comparé, c'était un comparatif, je ne sais pas s'il était idiot ou etc., mais enfin, j'ai voulu faire un comparatif comme ça. Bon, ça a plu, voilà. J'ai dit ma pensée du moment à l'instant, voilà. Donc, et après, naturellement, il y a des trucs qu'il ne fallait pas dire, qu'il ne faut pas dire, par exemple, qu'on est stressé, voilà, ou alors les. Pourquoi on ne peut pas dire? Parce que, je sais pas, c'est des idées de prod, voilà, comme ça, qu'on est bien, qu'est-ce que j'allais dire encore. Pour amener le positif. Oui, que du positif, voilà. Faut pas dire que le fait d'enregistrer, c'était un petit peu difficile, etc. Ah, oui. etc. Alors, il faut mentir. Oui, oui, il fallait mentir. Alors, moi, je mens pas. Il faut enjoliver. Voilà, fallait vendre du rêve. Alors, moi, je mens pas de rêve, voilà, je veux dire la réalité, voilà. Et puis, bon, comme les enregistrements s'étaient bien passés, etc., donc je lui dis, bah, écoutez, ça s'est bien passé. Il y a eu des petits moments délicats, etc. Puis, j'ai raconté des anecdotes parce que, enfin, ils aiment pas non plus qu'on raconte quelques anecdotes qui sont privées, etc. Moi, je dis, alors moi, ça s'est passé assez bien. Oui. Et es-tu encore diffusé sur ces chaînes-là ou Oui, oui, je suis encore diffusé. Ouais. Je suis encore diffusé avec un grand bonheur, voilà. Et puis, des fois, à mon grand étonnement, je suis diffusé à droite à gauche. Enfin bref, il n'y a pas de. C'est pas moi qui décide, si tu veux, de mes placements par rapport dans les radios moyennes grandes ou alors les FM, voilà. Mais je. J'ai toujours la surprise, on me contacte, voilà. Dernièrement, on m'a contacté par rapport à des radios FM, des radios Internet, voilà, que je serais diffusé, le dernier titre, Je m'endors avec toi, qui serait diffusé sur cet été sur une multitude de radios FM sur Internet, voilà. Okay. Voilà, bon, voilà, même en Russie, apparemment aussi, voilà. Est-ce que tu reçois des dividendes sur Internet, pas du tout? Un petit peu, enfin, faut dire que, bon, je touche quand même mes droits de SACEM, c'est normal. Le gros souci, si on peut le dire, c'est que par rapport à YouTube, le fait, tiens, je pourrais même parler par rapport à mon dernier clip qui est sur YouTube, qui s'appelle Je m'endors avec toi, il est à plus d'un million de vues, voilà, un million de personnes ont vu, avec des beaux critères, etc. Le titre marche bien, je vais pas gagner des milliers de cents non plus, hein. Si je gagne, moi je peux le dire, 400 ou 500 euros, par rapport à la diffusion du titre, ça sera beaucoup, voilà. On n'est pas milliardaire avec YouTube. Il y en a qui racontent qui gagnent leur vie sur YouTube en faisant des trucs et machin. Bon, voilà. Il y a un peu de rêve aussi là-dedans. Ils enjolivent la réalité. Bien sûr. Ouais. Voilà. Faut dire la réalité par moment. Ah, voilà. Ouais, bah, mais comme les gens aiment bien aussi qu'on est dans un monde virtuel, on like, etc. Tout le monde veut être aimé, tout le monde veut être une star, etc. Donc je peux comprendre aussi qu'il y en a qui peuvent enjoliver un petit peu, puis se dire voilà, bon, là, on va un petit peu rajouter un petit peu des on va dire du piment et puis des petites fleurs dans la sauce. À quel moment tu t'es orienté, tu t'es dit je veux faire de la musique, je veux consacrer ma vie, parce que c'est pas évident, on gagne pas sa vie, souvent on gagne vraiment pas sa vie en faisant ça, on est obligé d'avoir un travail à côté. Oui. À quel moment tu dois avoir un travail à côté? Alors j'ai un travail aussi en parallèle à côté, je travaille avec des personnes qui sont autistes, voilà. Ok. Et tu es intervenant? Pardon? Tu es intervenant? Je suis intervenant, ouais. Je suis intervenant et puis je professe, on va dire, dans le milieu éducatif, dans un atelier, voilà, et puis une salle de classe, voilà, on peut dire comme ça, qui est conçu de manière à accueillir des personnes en difficulté d'apprentissage. Ouais, d'apprentissage, voilà. Et mental aussi, et qui ont des troubles de comportement, voilà. Alors tu leur enseignes la musique ou ça n'a rien à voir avec la musique? Il y a un peu de tout, voilà. Ils ont une grande sensibilité pour le son, voilà. Les outils ont une grande sensibilité sur le son, sur les musiques également, sur la voix aussi, okay. Sur les intonations. C'est très important aussi pour eux de pouvoir, on va dire, à recevoir des sonorités dans l'oreille. Okay. Ils sont très sensibles au décodage sonore. Exactement. Le côté agressif, ça, c'est pas pour eux. Ça, non. C'est, okay. ça peut les faire monter. Ça peut les faire. Effectivement, voilà. Parce qu'on rentre dans leur bulle. Donc c'est on est très. Ça peut faire monter en pression et bah, leur amener des troubles de comportement très très importants. Ah oui. Donc ça comble un peu là, tes fins de mois pour. Ça comble un peu mes fins de mois. Les deux rajoutés, voilà. Et à côté, tu fais de la musique. Et à côté, je fais de la musique. Voilà. Et concept, est-ce que tu fonctionnes selon un concept de chanson ou un concept d'album? Ça dépend de mes états d'âme, ça dépend de mes émotions, ça dépend de beaucoup de choses. C'est-à-dire, bon, j'ai quand même un fil conducteur, voilà. Même pour les prochaines, c'est-à-dire, je pense que je serai sur un. Je suis en transit entre balade et puis belle mélodie, on va dire, parce que bon, je suis extrêmement positif dans le côté mélodiste. Voilà. Mais sinon, j'ai un fil conducteur, c'est-à-dire je programme toujours, on va dire, un an d'avance, on va dire, ce que je vais faire vraiment en travail musique, en studio, parce que la création passe par un studio aussi naturellement. As-tu un studio maison? Alors j'ai un studio maison, mais je travaille aussi en extérieur, voilà. Donc après, l'ébauche... C'est à la maison. C'est à la maison, et après... On amène ça ailleurs. Après, aller ailleurs avec des professionnels en qui j'ai toute confiance, qui sont des amis, et qui ingurgitent, on va dire, le bébé, naturellement. Bon, ils mettent leur grain de sel, c'est-à-dire il faut qu'ils aient ici une acceptation par rapport à ce que j'amène. Voilà. Et tu peux ils ne vont pas travailler pour me faire plaisir. Il faut que ça leur fasse plaisir. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, qu'il y ait une motivation et que ça fasse tilt dans leur tête. Voilà. Ah, ouais. Il faut qu'il y ait une étincelle. S'il n'y a pas d'étincelle, naturellement, donc j'amène plusieurs titres, naturellement. Voilà. Et à la suite de ça, quand on s'est bien mis d'accord et décidé, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une chanson, il y en a qui disent qu'on peut faire une chanson en une heure, etc. Bon, il y a beaucoup de bluff, beaucoup de blablabla. Moi, je pourrais te le dire, voilà, je fais une chanson en une heure. Ça m'est déjà arrivé de faire une chanson en une heure, on peut l'écrire, etc. Après, c'est une histoire d'habillage, c'est une histoire d'émotion, c'est-à-dire que mettre dans une chanson. Tu peux mettre 50 000 instruments, comme tu peux mettre une basse guitare, une guitare sèche, et ça va le faire. Et tu peux mettre 500 violons et puis 200 effets derrière. La chanson n'ira pas plus loin que le bout de ton nez, alors que si tu mets justement une guitare sèche, le truc va faire un truc monstrueux, c'est-à-dire une émotion et puis une étincelle qui sera beaucoup plus... plus crédible et puis plus original, plus sensible, voilà. Ouais. Ça sert à rien de remplir pour remplir, voilà, tout simplement. Ouais. Donc on travaille comme ça. Donc les personnes à qui je travaille sont de toute confiance. Donc je travaille. C'est un groupe, c'est les mêmes personnes, donc tu es habitué de leur proposer quelque chose. Voilà. Et tu sais un peu comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont peut-être te présenter. Exactement. Pas derrière chez moi, père, il y a un pommier doux, il y a un pommier doux. Les trois filles d'un prince sont endormies dessous. Les trois filles d'un prince sont endormies dessous, sont endormies dessous. La plus jeune se réveille, dit ma soeur, il est jour. Ah, j'ai du grain de mie, ah, j'ai du grain de paille, ah, j'ai de l'orangerie, ah, j'ai du trier, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes et j'ai des ananas, des pierres à fusil, de l'orier fleuri, ah, j'ai du zier, j'ai des anazis, j'ai des anazènes et j'ai des anazos, j'ai de beaux, j'ai de beaux, j'ai de beaux oiseaux. La plus jeune se réveille, dit ma soeur, il est jour, dit ma soeur, il est jour. Non, ce n'est qu'une étoile qui éclaire nos amours. Ah, j'ai du grain de mie, ah, j'ai du grain de paille, ah, j'ai de l'orangerie, ah, j'ai du trier, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes et j'ai des ananas, des pierres à fusil, de l'orier fleuri, ah, j'ai du zier, j'ai des anazis, j'ai des anazènes et j'ai des anazos, j'ai de beaux, j'ai de beaux, j'ai de beaux oiseaux. Non, ce n'est qu'une étoile qui éclaire nos amours, qui éclaire nos amours. Nos amants sont en guerre, ils combattent pour nous. Ah, ah, j'ai du grain de mie, ah, j'ai du grain de paille, ah, j'ai de l'orangerie, ah, j'ai du trier, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des bières à fusil, de l'orier fleuri, ah, j'ai du zier, j'ai des anazis, j'ai des anazènes, j'ai des anazos, j'ai de beaux, j'ai de beaux, j'ai de beaux oiseaux. Nos amants sont en guerre, ils combattent pour nous, ils combattent pour nous. S'ils gagnent la bataille, ils auront nos amours. Ah, j'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, j'ai de l'orangerie, j'ai du trier, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, de l'orier fleuri, j'ai du zier, j'ai des anazis, j'ai des anazènes, j'ai des anazos, j'ai de beaux, j'ai de beaux, j'ai de beaux oiseaux. S'ils gagnent la bataille, ils auront nos amours, ils auront nos amours. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils les auront toujours. J'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, j'ai de l'orangerie, j'ai du trier, j'ai du tricolier, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, de l'orier fleuri. J'ai du zier, j'ai des anazis, j'ai des anazènes, j'ai des anazos, j'ai de beaux, j'ai de beaux, j'ai de beaux oiseaux. Donc les personnes à qui je travaille sont de toute confiance. Donc je travaille... C'est un groupe, c'est les mêmes personnes, donc tu es habitué de leur proposer quelque chose. Voilà. Et tu sais un peu comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont peut-être te présenter. Exactement. Alors donc, les personnes avec qui je travaille, donc il y en a un, bon, c'est un très grand guitariste, il a suivi Claude François pendant plus de 15 ans, donc voilà, il a fait... je crois qu'il a fait Claude François aussi, si je ne me trompe pas, il en a fait Tina Arena, enfin bref, il en a fait pas mal. Il a fait beaucoup de personnes, c'est une personne à qui j'ai confiance, ça fait plus de... Plus de 45 ans de métier qu'il a, donc voilà, donc je sais me reposer sur lui en tant que guitare. Voilà, il est très très armé, c'est un grand professionnel de la guitare, qui a des références musicales, voilà, qui s'appelle Léo Léonard, voilà, un grand monsieur de la chanson française, et j'ai aussi la chance de pouvoir travailler et puis d'enregistrer dans ce fameux studio à Gagny de mon ami Marc Benabou, alias Marquito. Alors Marquito, c'est son surnom. Dans le milieu de la musique en France et même à travers le monde, c'est un très grand batteur. Et j'ai la chance de l'avoir justement dans mes créations musicales. Et c'est un ancien batteur à Johnny, tout simplement, à Claude François, à Sardou, enfin bref, à une ribambelle de personnes. J'en passe et des meilleurs sur la scène française et internationale et finalement voilà, je travaille dans son studio. Mais comment tu peux arriver à le rejoindre? Il doit travailler avec des créateurs, avec beaucoup de gens. Il travaille beaucoup avec beaucoup de créateurs, mais il marche. Bon, il passe pas d'annonces dans les journaux. Voilà. Non. Il doit quand même demander partout, donc il n'y a pas besoin d'annonces. Voilà, donc on se rejoint. Voilà, bah, moi j'ai son contact personnel. c'est un ami, on se contacte et on s'arrange sur le d'avance, des mois d'avance, pour se dire on programme tel jour, telle heure, mais... voilà. Et puis après on fait ça. Il travaille jour et nuit, alors donc on peut toujours s'arranger. Même si, on travaille constamment. Voilà, s'il est en tournée, ah ben, j'attends son retour. On se fait un petit bœuf, on boit un petit coup, on mange ensemble, et puis après bon, on commence à faire des plans par rapport à telle musique. Voilà. Et ça se passe. Et ça se passe pour assez longtemps, ça ne se fait pas en une heure, deux heures, ni. Voilà, ça peut se. L'évolution est lente. L'évolution peut se passer sur 2-3 mois, voilà, voire même 6 mois, voilà, c'est tout. On revient dessus, voilà, sans arrêt, et puis à bout d'un moment, ben voilà, on va travailler beaucoup plus, ça va monter crescendo jusqu'à temps qu'on puisse faire un mixage, on va dire, quasi définitif, parce que on m'a toujours appris aussi qu'un mixage, le côté définitif n'existe pas. On dit, quand on a fait une musique, c'est un def. Qu'est-ce qu'un def? C'est rien, un def. On peut tout modifier. Un def peut devenir un non-def en deux secondes de temps. Ouais. Parce que tu as toujours. Même quand c'est fini, par exemple, une musique, tu peux te dire, mais ça. C'est fini le moment où tu l'as. Voilà. Ouais. Mais c'est jamais un def. Parce que ouais. Tu peux dire, voilà, ça, j'aurais pas dû mettre ça là. Des mois après, finalement, on peut changer ouais. dans notre mentalité, dans ouais. notre ressenti. Ouais. Alors, des fois, j'ai la chance de me dire, bah non, là, c'est ce que j'ai fait à l'époque, c'était pas trop mal. Voilà, c'était bien. Il y aura peut-être une petite retouche comme ça, mais c'est tout. Mais des fois, on peut se dire. Ah non, là, quoi, franchement, j'aurais jamais dû faire ça. Ou autre... Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Mais comment tu peux. Après ça, je vais revenir à la genèse de temps, pourquoi. Puis, mais comment tu peux placer un titre, et je te l'ai demandé il y a quelques mois, comment tu peux parler de hit avant que la chanson soit sortie? Alors, je peux parler de hit avant que la chanson soit sortie. C'est-à-dire que j'ai fait des tests sur Internet et puis dans des stations de radio. Qui m'ont mis en pré-liste, voilà, tout simplement, et qui, donc c'est des promesses, donc les promesses commencent à se tenir, là, si tu veux, parce que je vais commencer à être dispatché sur l'été, et en septembre, on va arriver là, sur... l'été, c'est là, là. Voilà, l'été, là, et là, on arrive, là. Et justement, ces stations de radio à qui j'ai eu un contact dernièrement, il y a quelques jours, vont commencer à me diffuser, donc je vais commencer à être diffusé sur les stations FM françaises, voilà. Et alors si j'écoute France Inter, j'ai des chances de t'entendre. Il y a des chances de m'entendre, alors peut-être sur des créneaux peut-être de nuit, un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est mon horaire. C'est voilà, hein, ça je vais pas dire qu'à 8h les places sont prises. Hein. Mais après, Serge Vaillant malheureusement n'est plus là pour laisser la place à la chanson française, on l'a éliminé. C'était un grand qui pouvait mousser le genre de chanson que tu fais, le genre de côté un peu moins commercial, entre guillemets. Mais il ne reste plus grand-chose sur cette chaîne-là. Non. La chaîne publique est devenue de plus en plus sectaire. Beaucoup plus sectaire, beaucoup. Et la genèse, on revient à la genèse parce que tu n'as pas encore répondu. Qu'est-ce qui t'a amené à la chanson? Qu'est-ce qui m'a amené à la chanson? À partir de quand, enfant ou jeune adulte ou adulte, tu t'es dit, ben oui, je vais avoir un emploi rémunérateur beaucoup plus solide, mais à côté, je vais me consacrer. Se consacrer, c'est comme devenir un curé. Donc Alors justement, je vais rebondir là-dessus pour toi. C'est à une certaine époque, il y a eu Michel Sardou qui avait chanté, à qui j'avais écouté une fois comme ça. Une chanson qui s'appelle Le curé. Oui, ah ouais, oui. Qui a fait polémique à l'époque ben ouais. aussi. Et le texte, je ne dirais pas que c'est le personnage au départ, le texte m'a bouleversé car j'aime les mots et le côté choc des chansons, le poids des mots, on va dire comme Paris Match, le choc des photos, comme on disait ouais. à l'époque. Et justement ce côté choc. Des belles phrases bien ciselées avec des idées bien effilées derrière que Pierre Delanoë qui était un maître absolu incontestable qui a écrit pour Julien Clerc, qui a écrit pour plein voilà je me suis référé voilà par rapport à ça, c'est-à-dire que je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose. Sur un titre, Le curé. Voilà. En plus, j'ai parlé de curé. C'est étrange que j'ai évoqué voilà. le. Exactement. Donc, c'est une chanson qui m'a donné la foi, on va dire comme ça. En parlant de curé, ben en plus, je veux dire aux auditeurs qu'on ne s'était pas parlé avant. Non. Donc, quand j'ai énoncé le mot curé, je ne savais pas que tu m'allais. Voilà. Que tu allais me relancer avec le curé. Tout à fait. Voilà. C'est extraordinaire. Mais c'est bizarre, hein? Il y a des moments de la vie qui sont extraordinaires, qui étaient difficiles. Bon, ça s'est passé comme ça. Non, avec mais pourquoi, une... non, mais moi, là, actuellement, je suis en train de me poser comme question pourquoi j'ai dit voilà. Le curé. Ah, là, c'est là le curé. Tu vas réfléchir longtemps. Non, ouais, ouais, non ben, on ne peut pas aller plus loin. C'est, non, c'est comme ça. Alors, donc, finalement, bah, oui, c'est. Mais tu trouves pas ça étrange? Bah, je trouve ça assez rigolo parce que quand on a parlé de curé, j'ai vu que tu as comme eu un flash et j'ai dit, ouais, oh, c'est peut-être un ancien religieux qui s'est retiré. Non, okay. Du tout, mais c'était par rapport à. Ah, c'est complètement fou. Bah, c'est complètement. Le café est excellent. Pour ça, ça doit être ça qui. Oui, ça doit être le café qui doit. On va demander qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur de ce merveilleux. Exactement. Alors, donc, finalement, par rapport à cette chanson, Le curé, en définitive, que j'ai écouté sur les ondes, ça m'a bouleversé et ça m'a donné le goût de l'écriture. Et j'ai voulu en savoir plus sur justement sur l'artiste en question. Bon bah. Ah, tu connaissais pas Michel Sardou? Je connaissais, mais. Mais plus de la Noé que Sardou, parce que Sardou ne fait que chanter. Voilà, c'était plus le. Voilà, je me suis posé la question pourquoi il chante ça, etc. Ok. Voilà. Puis et après, je me suis renseigné sur de la Noé. Bon, voilà, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Et finalement, j'ai vu cette richesse qu'il avait. Moi, de la Noé, je comprends un petit peu comme Michel Audiard, voilà. Ah, Michel Audiard, oui. Ah, oui. Qui a des phrases cultes, etc. Ah, oui. Qu'on peut se servir aussi en même temps, parce que c'est des phrases qui restent. C'est des perles. Et moi je dis des mecs comme ça qui existent pratiquement plus maintenant. C'est aussi. Voilà. Et moi ça m'a donné cette envie, si tu veux, de pouvoir de pouvoir jouer avec les mots et de pouvoir les brosser, les limer comme un bijoutier, tu vois. Je me suis dit un jour je vais devenir entre guillemets un orfèvre de l'engager. Voilà, et des belles phrases, des bons mots, des belles idées. Et j'ai commencé à me au départ il y avait un peu de copier-coller pour dire, parce que bon, on se réfère toujours par rapport à tu faisais de ouais. Voilà, et j'ai commencé des petits poèmes, des trucs comme ça, et puis ça m'a donné. Oh, j'avais à peu près une quinzaine d'années, en gros, voilà. Bon. L'adolescence, l'adolescence est propice à être plus silencieux. Et puis, au bout d'un moment, je me suis lancé dans l'écriture. Naturellement, après, je me suis élargi beaucoup plus et j'ai écouté pas mal de... Je ne dors pas et j'entends à côté mes voisins se parler. Tout le monde Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Yahoo! Pocketville, Pocketville, tu peux pas dormir tranquille. 花泣いてる夏のため息をかき消す波の音みたい私たち今はこうして出会ってるのだから過去のすべてありがとう Alors là, je vais encore. Là, tu me fais briller une étincelle dans mes yeux. J'ai connu le personnage. J'ai connu ce personnage. Sur Verneuil, tu es allé le voir. Non, je l'ai pas connu rue de Verneuil. Sinon, je pourrais. Non, je l'ai connu dans un bar, rue François 1er, dans le bar de la rue François 1er. Je crois que c'est François 1er d'abord, ça s'appelle le bar. Et j'allais justement à la maison de disque AZ avec des bandes sous le bras. Et puis. À quelle année oh, 80 Ouais, avant qu'il. Reggae Avant reggae ou après reggae 81 l'album reggae, Nouvelle des étoiles, aux armes, etc. Ouais, c'était 2 ans avant qu'il décède. Oh, ok, c'est, oh, ben non, c'est bien après, c'est Love and the Beat, c'est Love and the Beat. Voilà, c'est ça. Oh, okay. Et le personnage en question, j'étais avec un ami dans ce bar François 1er, qui était juste à côté de Robin, et je découvre ce fameux personnage en question. Au bar, bien sûr. Au bar, enfin, son bar de prédilection. Voilà, et au départ, je n'ai pas vu qu'il était là à côté de moi, sur ma droite. Et c'était mon pote à l'époque qui était avec moi, qui me faisait des signes. Il n'y avait pas une odeur de gitane qui... Non, mais je discutais avec mon pote, et puis je voyais que mon pote qui me regardait, parce que moi je faisais... Dos à lui. Mon pote qui me faisait des signes bizarres, ses yeux et puis sa bouche. Ouais. Au bout d'un moment, je me dis, qu'est-ce qui t'arrive comme ça de me parler avec des mimiques et des trucs bizarres. Et puis il ne pouvait plus parler, il faisait comme ça. Enfin, bref, il faisait des signes de tête. Et à un certain moment, je me retourne. Et je regarde la personne, enfin le dos de la personne, et quelqu'un qui fait une chemise en jeans. Ouais. Il était habillé en jeans en haut avec un haut blanc, et puis des répétos, le style Gainsbourg, voilà. Et je le vois, mais je percute pas tout de suite. Et au bout de quelques secondes, je regarde mon pote en même temps. Je me retourne après brusquement, c'est moi qui faisais une mise pour dire j'étais à côté de Gainsbourg. Ouais. Et finalement, nous, on était en train de boire une bière, je crois que c'était à Monaco, si mes souvenirs sont bons. Et puis, le barman nous amène 2 coupes de champagne, parce que j'entends la personne à côté de moi, M. Gainsbourg, qui fait champagne pour les messieurs. Pour ces messieurs, ouais. Et finalement, on s'est retrouvés à boire, il était à peu près 15h de l'après-midi. 15h du champagne avec Gainsbourg, et puis on a parlé de tout et de rien pendant à peu près une bonne heure et demie, voilà. J'ai même fini à l'époque des gitanes avec lui, voilà. Et puis, on s'est quitté. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est enrichissant, 90 minutes avec Gainsbourg? Oui, c'était... Il y a eu beaucoup de silence, mais des silences qui apportaient beaucoup de bien-être et de réponses, parce qu'on avait l'impression, j'avais l'impression qu'il nous donnait des réponses en même temps, parce qu'on lui posait des questions. Mais des réponses à quoi? Ce qu'il faisait dans le bar, parce qu'il venait souvent, s'il était en train de faire des musiques ces temps-ci, enfin bref, s'il était son actualité, enfin sa petite vie, etc. Il nous parlait aussi de ses potes, ceux qui ramassaient des poubelles, là. Les éboueurs. Les éboueurs, oui. Puis ses amis les flics. Oui, ses amis les flics. Il faisait souvent des fiestas avec eux, voilà. Parce qu'il le ramenait à la maison. Les éboueurs, c'était pareil, ils venaient boire un coup chez lui. Enfin bref, c'était un personnage qui était très social. C'était très solitaire en même temps. Très solitaire en même temps, peut-être un peu tourmenté, mais quelqu'un qui était... qui était extrêmement complaisant et très intuitif avec les gens. Il a vu qu'on avait envie de parler aussi, il avait envie de nous parler. Donc il était c'est quelqu'un qui était très sensible, très communicatif. Et j'ai apprécié ce moment pendant une heure et demie avec ses silences en même temps, en train de se regarder mutuellement, en train de fumer. J'ai fumé sa gitane, lui aussi, face à face. Et des fois on se posait des questions, ou pas, on se regardait dans le blanc des yeux, voilà. Mais on a peur aujourd'hui du silence, hein. Ouais. On essaie de combler le silence. Et moi j'ai savouré ce silence en même temps, et lui aussi a dû le savourer, parce que... Lui, c'est l'homme du silence. Voilà, et on se savourait mutuellement dans un silence, des fois plus ou moins long, avec des phrases qui venaient de temps en temps. Des fois c'est un verbe, c'est un complément, mais juste des hybrides, des... Voilà, c'est tout. Ouais. C'était du banal. On a parlé très peu de musique. D'abord, j'ai même pas osé... de dire que je faisais des trucs, etc. J'ai dit un petit peu, mais c'était pas important. C'était pas important c'était pour moi. C'était d'être avec un être qui allait te faire voyager. C'était un moment, voilà. Et voyager, c'était un moment magique que j'ai savouré, voilà. Que j'ai savouré un instant à moi, si tu veux. Ah oui, c'est un cadeau. Voilà, c'est un beau cadeau, finalement. Étais-tu conscient que c'était... exceptionnel ce que tu veux. Ah oui, c'est un moment exceptionnel, ça je l'oublierai jamais. Alors tu as été réceptif et tu as comme emmagasiné ça pour t'en souvenir jusqu'à la fin du jour. Ah oui, toi je te le raconte aujourd'hui, j'ai toujours cette... C'est comme si c'était hier. Ce que je te raconte là, tu vois, tu le ressens, Charles de Paul, c'est une émotion. C'est viscéral. Mais c'est un moment très important et alors justement, comme j'admirais beaucoup ce personnage, et aussi la qualité de ses chansons, de ses arrangements aussi musicaux, et aussi de son écriture. Mais Vanier était derrière ça aussi, Philippe Vanier. Tout à fait. Et moi, comme il m'a donné aussi ce style gainsbourgien aussi, du rentre-dedans un petit peu, le côté... La phrase choc, le mot choc. Oui, que j'ai eu au départ avec Delanoé, voilà. Et t'as rencontré? Non, tu as rencontré Delanoé ? Non, j'ai jamais rencontré Delanoé, malheureusement. J'ai rencontré Gainsbourg. Donc, il a complété un peu, si tu veux, mon écriture musicale. Si tu veux. Il a enrichi, voilà. Donc, ça a enrichi beaucoup plus. Et ça m'a donné, si tu veux, ce mélange Corian, Gainsbourg, Delanoé, voilà. Avec un mélange de... C'est le triangle. Oui, c'est le triangle. Après, c'est rajouté un peu de Souchon et de Vouzy. Souchon et Vouzy, on dirait, c'est quand même... Voilà un petit peu l'univers dans lequel j'ai baigné. Donc, j'ai pu pomper un peu quelques brives. Et après, que j'ai fait la sauce coriandre, tout simplement. La sauce coriandre. Voilà. Et tu l'as fait épicée ou sucrée, dépendant de tes... Voilà. Si c'est sucré, c'était du côté de Souchon et de Vouzy. Voilà, quand c'était acidulé un peu... rentre dedans, c'était du Gainsbourg, tout simplement. Hein. J'ai créé une chanson il y avait quelques temps, qui était passée au Midem il y a à peu près 4 ans. Est-ce que tu veux expliquer aux auditeurs qu'est-ce que le Midem? Alors le Midem, c'est le marché international du disque qui a lieu tous les ans à Cannes. Alors à un certain moment c'était au mois de janvier, alors maintenant c'est un petit peu décalé par rapport aux dates. Hein. Je crois que c'est maintenant vers le mois de mai-juin, un truc comme ça. Enfin bref. C'est après le festival de Cannes. Voilà. Ils ont un petit peu changé la donne, mais sinon c'est un... un endroit où les créateurs sont montrés en avance sur la scène internationale, mondiale, et aussi c'est surtout le, bah, c'est le showbiz, l'arrière du showbiz. Exact. On vend de l'artiste, voilà. Comme si c'était la foire de Paris, on vend des vaches, des cochons. Amsterdam, les putes d'Amsterdam, on fait les putes d'Amsterdam. Voilà, on est, les artistes ils sont sur la table, on prend, voilà. on prend pas. On trie, voilà. On dit, lui, il va aller à l'international, on va investir sur lui. Lui, non, on va changer ses vêtements, on veut le modifier. On fabrique des stars. Voilà. On essaie de trouver quelque chose. Alors, c'était naturellement à l'époque. Mais ça a changé énormément. Ça a changé énormément. Alors, j'avais un album, justement, qui était défendu par mon éditeur, producteur, qui m'a représenté au Midem, et puis qui avait le stand, etc. Donc, j'ai été négocié un petit peu partout, on va dire, c'était dans les pays de l'Est, mais surtout aussi au Japon. Alors, donc, au Japon, où la musique française et parisienne est très demandée. Oui. Voilà. Ils sont très demandeurs, ils sont très friands. Oui. Et voilà, donc j'ai eu des... La French Touch. Voilà. Donc, j'étais représenté au Japon aussi, et puis avec sur des sites japonais, voilà. Et puis, j'ai eu pas mal de ventes aussi, donc... Donc on peut revenir. Assez pour t'y rendre pour... Oui, bien sûr. Tu t'es rendu là-bas ? Oui, je me suis rendu là-bas. Mais pas très longtemps. Pour faire des télévisions ? Non, c'était pour faire des radios, voilà, principalement. Mais écoute, à la radio, ils peuvent être 2 millions à t'écouter facilement. Ils sont... Bien sûr. Mais il y a eu un... C'était un... À quelle année ? Il y a à peu près... c'était en 2011 à peu près. C'est récent ? C'était un moment magique aussi dans ma vie, que je n'oublierai pas. Bon, ça a duré quelques jours, ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai eu l'opportunité de pouvoir... Tenter le pouls. Oui, c'est même pas tenter, c'est-à-dire... Mais c'est tenter le pouls, vérifier de quoi... Voilà, et c'était intéressant et très jouissif aussi de pouvoir de rencontrer ce public japonais, et puis asiatique, on va dire comme ça. Là, cette année, c'est apparemment le côté la Russie. Voilà. Ah oui, alors peut-être propos. Un voyage là-bas. Ça dépend s'il y a une demande, si les radios, les télés... Voilà, par rapport au dernier titre, je m'endors avec toi. Donc apparemment, la Russie serait très demandeuse par rapport au titre. Donc les radios russes, voilà. Donc, je suis dans l'attente. Il y a quelque chose, ça commence à bouger dans ce sens-là. C'est ce qu'on m'a averti dernièrement. Voilà. Mais ces auréoles qui te signalent le succès ou pas. C'est qui ? C'est des programmateurs ? C'est des gens qui... C'est des programmateurs. J'ai aussi une agence aussi qui s'occupe de moi aussi en particulier. Il faut dire que c'est peut-être sous le manteau parce que normalement, tu ne devrais pas le savoir. On te le dit en sourdine. Écoute, moi, j'ai entendu parler que... Et c'est là... Mais on sait toujours d'avance. Voilà. Oh, oui, mais moi, mais... Là, aujourd'hui, je suis franc. Je le dis. Mais normalement, on ne le dit pas. Hein, on dit que si la tendance se maintient. Voilà. Mais normalement, bon... Y'en a marre, je me barre à Zanzibar. Je veux voir les nanas couleur sang de Zanzibar. Assez broyé du noir dans les labyrinthes urinoirs. Fini les empoisonnements curares, la paralysie rouge noire du comptoir. Gros bisous à Bibi, bisous à Cajou. Bisous à bijoux. Boire le lait des petites noires dans les mirques-bars. Autochtones qui sucent les beaux malabars. Nana aux gros nénés, aux immenses pétards, aux dents d'ivoire. Je veux m'inscrire à l'amour, à l'encre noire. Gros bisous à Bibi, bisous à Cajou, bisous à bijoux. Dans mon falzar, j'emmène pas d'accessoires, de un rasoir. Je suis raide, peint de l'art, mais raide est mon braquemar. Dieu de Dieu, quel panard, je prendrai à Zanzibar. Sa chaleur éjaculatoire. Gros bisous à Bibi, bisous à Cajou, bisous à bijoux. Se tirer dardard et sans radar, tout prendre en dérisoire à Zanzibar. y'en a marre des libertés provisoires. Plein le cul d'être un rat, un Gaspard de laboratoire. La folie, c'est toi. Si t'es dans ce métier, c'est de ta faute à toi. La folie, c'est toi. Le mal que tu m'as fait, tu vas payer pour ça. Bourgeois, qui est, je dirais pas que j'ai un côté bourgeois, mais découvrir un peu cette époque qui m'intrigue aussi qui est, où la France brillait aussi, je dis pas qu'elle brille pas maintenant, mais qui commençait à briller avec ce roi soleil et puis qui a amené pas mal de choses jusqu'à maintenant. Je pense que c'est une époque qui m'aurait. Je parle dans le côté, on va dire palais, etc. Hein, parce que bon, l'époque. L'époque avec les personnes qui étaient, on va dire, dans la misère, etc. à l'époque, c'était... Non, je me vois pas en manant à l'époque, non. Enfin, j'ai rien contre, mais non, je me vois pas du tout comme ça. Ça va être terrible. Ah oui. Si tu étais un mont. Un mont. La montagne pelée. Par exemple, le volcan. Volcan, ouais, le mot volcan. Ouais. Si tu étais un... Pourquoi volcan? Pour être en éruption, pour te calmer, pour repartir. Ouais, puis j'admire aussi cette force de la nature aussi, qui peut tout décider et puis tout raser au bout d'un moment. Voilà. Et les hommes n'ont rien à choisir, ils subissent. Moi, je fais confiance à la nature. Quand elle n'est pas contente, elle rase tout et elle recommence. Ouais, ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment. Je sais pas, alors, je vais te dire un truc complètement dingue, et ça m'est venu tout. Il y a deux secondes, une boîte de des sardines dans une boîte. Une boîte de sardines. Ah oui. Parce que ça se mange automatiquement, il n'y a pas voilà, c'est ça. Et on connaît déjà le goût avant de... Exactement. Pas besoin d'un grand chef. Le voilà, grand... tu ouvres la boîte, hop, tu consommes. Ah, ouais. Si tu étais une saison. L'été. L'été, pourquoi l'été? Parce que il fait bon et puis il y a aussi beaucoup de romantisme l'été. On est beaucoup plus romantique l'été que l'hiver. toi, tu te considères comme un romantique Ah oui, bien sûr, je le revendique même. Ah oui. À travers tes chansons, c'est ce que tu veux aussi exploiter. Oui, bien sûr. Si tu étais un membre corporel. Oula. Alors là, on peut aller dans le Gainsbourg. Que pour si j'étais un membre corporel. Je pense que. Ouais. Si j'étais un membre corporel, bon, je vais te dire carrément la chose. Bon, je pense que je serais un phallus, ouais. Ok. Si tu étais un moment le tien bien sûr. Si tu étais le moment de la journée. Le petit matin. 5h. 5h, 6h. Où tout est calme et tout, où la vie commence. Voilà. Et tu es levé à 5, 6 heures? Ça m'arrive. Tu te couches tard? Je me couche tard, mais je me lève très tôt. Donc, tu dors pas, comme moi. Ouais, je dors très peu. Mais je profite des moments de la vie où il n'y a presque personne dans les rues. Respirer ce petit matin, cette petite brise, cette petite douceur. Prendre un petit café quelque part. Respirer l'air du matin. Le début de la vie, quoi. Ouais, ouais. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Je serais politicien. Oh! Ouais. De droite, de gauche, de centre, centre-droite, centre-gauche? Non. Sans le savoir au départ? Sans le savoir, je ne sais pas, je serai un politicien, mais j'essaierai de construire quelque chose d'autre, de nouveau, ouais. Encore plus neuf. Ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Le chemin que j'ai actuellement, là? Ouais. Oui, je ferai le même chemin, mais il faudra que je retourne un petit peu en arrière pour modifier certaines choses. Au niveau personnel, au niveau éducatif, au niveau sentimental? Sur un peu tout. OK. Ouais. Mais des petites brides à droite à gauche comme ça. Oh, ouais. Pour peaufiner un peu l'aide que tu es maintenant. Si je pouvais retourner un petit peu dans le passé, ça serait pas mal. Ouais. Là, je mets avec les mêmes choses, les mêmes éléments, mais en modifiant un peu certains paramètres. Et l'album que tu prépares, est-ce que tu t'y concentres de plus en plus? Es-tu plus actif que jamais? Ah, bien sûr. Plus combatif que jamais, même d'ailleurs. Et ça fera du bruit avant la fin de l'année. Voilà. Et comment tu prépares ça avec. Es-tu nerveux? Non, je suis pas nerveux du tout, je suis confiant. Voilà. Okay. Je sais que. Je sais mon potentiel, mais en même temps, il faut croire en son étoile. Si on n'y croit pas, on ne fera rien. Ça sert à rien. Quel que soit l'artiste, s'il n'y croit pas. Il faut croire en soi pour que les autres puissent y croire. Ouais. Est-ce que c'est de l'autoproduction ou tu as une maison de disques? Il y a les deux. Il y a les deux, on va dire, avec beaucoup d'aide. De l'aide, on va dire, c'est du 50-50. Okay. C'est des conditions favorables pour pouvoir faire de la production sans que ça puisse. C'est de la grosse production. Si je le faisais moi tout seul. Ouais, ça serait de la grosse prod, parce qu'une production, c'est-à-dire faire un disque, ne serait-ce que faire un album ou faire un single, une chanson, ça coûte très cher. Ça ouais. ne coûte pas 2 euros. Non. Ça coûte très très cher. Ouais. C'est le temps passé. C'est le temps passé. Et alors, tu as un distributeur pour ton album, une fois que tu l'as gravé, tu as quelqu'un qui va s'en occuper pour l'envoyer chez les disquaires. Voilà, exactement. Alors, ça, c'est quand même un luxe aujourd'hui, parce que la majorité s'autoproduisent, font des spectacles, vendent ça à leurs spectacles. Ou rencontre des gens, le vendre ce. Voilà, donc on peut faire ce système-là. Après, mais toi, c'est pas ton cas. Toi, tu as une maison de production, tu as une maison de. Voilà, distribue tes. J'ai une équipe. Et puis... Est-ce que c'est nouveau? Oui. Et tu es rendu à ton deuxième disque, c'est ça? Oui, ça fait mon. Attends, un, deux, ça fait mon troisième, voilà. Le troisième, parce que j'ai 20. Est-ce que tu vois une certaine cohérence avec les deux premiers? Non, ça n'a rien à voir. C'est toujours un. C'est une autre histoire. Chaque album est une histoire. Chaque album est une histoire. Est-ce que le premier album a bien vieilli, selon toi? Ouais, il y a des trucs qui ont un peu que je ferais peut-être plus maintenant, mais enfin que je ferais peut-être autrement. Ou alors, on va dire autrement. Mais il y a des trucs que je suis fier, voilà. Sur scène, est-ce que tu défends encore le premier album autant que celui que tu prépares? Ouais, de temps en temps, ça m'arrive de pouvoir le défendre. Certains titres. Bon, j'ai une chanson de, par exemple, d'Eric Tabarly. Sur Eric Tabarly que j'ai fait, qui s'appelle Voyageur. Ouais, que je fais, ouais, que je peux faire. C'est quelle année ton premier opus? 2007 à peu près, 2006-2007 en gros. Et est-ce que tu vois l'évolution de ce que tu... Oui, oui, il y a des gens, il y a des équipes que je ne vois plus, il y a des gens que je vois. Parce que ça fait plus partie de ton processus. Ça fait plus partie de, au bout d'un moment, il y a une évolution, ou alors il y a un changement de cap, et puis un besoin de pouvoir se régénérer un peu plus, voilà, de s'enrichir un peu plus. Voilà. C'est important de pouvoir changer par moment d'équipe ou de personne pour pouvoir un petit peu s'oxygéner, parce que sinon on tourne en... As-tu un agent? Ouais. As-tu un agent? J'ai un agent. Ouais. Donc c'est lui qui peut placer... Ouais, aussi. On s'accorde pour pouvoir se mettre à l'unisson tous les deux. Si on se met pas d'accord, bon bah... Ben c'est toi qui as le dernier mot. C'est moi qui ai le dernier mot. C'est ton œuvre et c'est toi qui décides. Exactement. Donc Patrice, c'est une histoire à suivre? Bah tout à fait, une histoire à suivre et puis... On se suivra aussi mutuellement, il n'y a pas de problème. Ben oui, et éventuellement, est-ce que tes deux albums sont trouvables un peu partout dans la francophonie? Alors, on peut les trouver, c'est-à-dire les derniers opus, on peut les trouver sur Internet facilement, voilà, on tape sur Google, pas Mais je suis un marchand de disques à Québec, es-tu distribué au Québec? Alors, je suis pas encore, j'étais distribué à un certain moment au Québec, parce qu'après, c'est pas moi qui contrôle un petit peu toute cette distribution, hein, parce qu'en tant qu'artiste, après, on ne peut pas tout faire non plus, c'est cette distribution via mon éditeur qui était sur... en lien avec Universal, mais sinon il y avait une distribution assez conséquente à une certaine époque, en 2010-2011. Alors on peut regarder chez Discard. Oui, au Canada, oui. Il y avait pas mal de choses. Ouais. Ok. Alors on va jeter un coup d'œil et surtout on va suivre le dernier opus. Voilà. Et on va voir la progression. Avec plaisir. Et tu n'as aucune crainte de manquer le bateau avec... Non. Tu es confiant, tu es gonflable. Oui, ça ne fait rien, la vie continue. Tu sais, une chanson, c'est toujours un risque, hein, quel qu'elle soit. Hein, non, mais un album, c'est encore beaucoup plus de travail qu'une chanson. Bien sûr. Quelle que soit la chanson, personne, il y en a qui peuvent me dire, oui, il y a des ingrédients, il y a des trucs pour faire un tube, etc. Qu'est-ce qu'un tube? Qu'est-ce qu'une chanson? Hein, une chanson populaire qui marche. Je ne sais pas. C'est le public qui décide. Ouais. Qui peut dire telle chanson c'est un tube? Savoir. On peut sentir, on peut dire ouais, il y a des prémices, ça peut. On peut dire ça peut. Ah ouais. Mais on peut jamais dire oui, c'est sûr, c'est un tube. Ben oui. Sinon, il y a un monsieur YouTube. Voilà, mais j'en connais qui le disent. Hein, c'est un tube, etc. Oh, voilà, qui se gonfle. Vous dire ma chanson c'est un tube, voilà, c'est ça, c'est ça. Là, bon, si c'est vrai, on va attendre. Voilà, mais bon, mais qu'est-ce qu'un tube? C'est une chanson, moi je dirais, c'est plutôt une chanson qui marche, voilà, une chanson populaire. Je préfère le mot chanson populaire que dire faire un tube. Oh, ouais. C'est rien de dire faire un tube. C'est un peu gonflant, c'est un peu m'as-tu vu, c'est un peu. Prétentieux. Ouais, non. Faut rester simple dans la vie, je suis simple. Oui. Moi. Ouais. Alors, Patrice, c'est une histoire à suivre. C'est... Bien sûr. Et heureux de t'avoir rencontré. Également, hein, Reynald. Et bonjour chez vous. Ben oui, et on va prendre quelques photos histoire de le mettre tabou sur mon site internet. Exactement. Lorsque tu seras diffusé, je sais vraiment. Ben peut-être à la sortie de ton album. D'accord. Ça serait peut-être plus d'actualité. Peut-être. Donc c'est quoi, mois de novembre, tu m'as dit? Octobre-novembre, voilà. Ok. Alors tu me tiens au courant? Je te tiens au courant. Que je puisse placer ça sur mon calendrier parce que il y a beaucoup d'artistes. D'accord. Donc j'essaye de créer de l'actu si c'est pas des comédiens ou des comédiennes. Puis en chanson, ben comme il y a de l'entrée, il y en a qui sortent des albums en décembre, il y en a d'autres qui c'est en septembre. Toi, c'est peut-être en fin milieu. Bon, ben, et on va diffuser aussi des pièces musicales du premier album, du deuxième et l'opus qui s'en vient bientôt. Je t'enverrai tout ça aussi en même temps. Parfait, parfait. Prends des photos. On prend des photos. Excellent. 車から出て校庭抜けて君の手前でストクストク立ち上がってく終わらない歌は明日へ続く